Soir noir, voilà, tu es parti là-haut dans les nuages, où je crois deviner parfois ton cher visage, quand ton amour sculptait les courbes du bonheur dans le temps routinier, aussi morne lenteur. Ton âme, je le sais, voyage en ces contrées que ma peine orpheline seule va rencontrer. Dès que le soir venu en ma triste mémoire viennent se déverser des torrents d'idées noires, alors j'implore la mort, cette libération. À défaut de rêver à ta résurrection, j'en viens à envier tous les anges du ciel baignés dans ta douceur aux voluptés de miel. Chaque étoile brillante évoque ta lumière, quand tes yeux flamboyaient d'une juste colère, quand le rire animait tes désirables formes, quand tes bras m'enlaçaient pour que je m'y endorme. Tatoué à jamais en mon cœur solitaire, j'évoque ton profil au long de mes prières. Mais le son de ta voix et le parfum sucré de tes tendres baisers se sont évaporés.